Ndikomanyanga. Alphonse Ougimana sur la maison des bienvenus, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, à cette édition de la soirée de ce 2 juin 2025, dont voici d'abord le sommaire. Certains responsables des partis politiques et les indépendants dénoncent certaines irrégularités qui ont marqué la campagne électorale pour les législatives et les communales les prochaines, disant que certains membres du parti au pouvoir ont perturbé leur propagande. Cela étant, le président de la République évalue positivement le déroulement de la campagne. Il a dit samedi dernier, lors de la clôture de la campagne électorale des législatives et des communales pour le compte de son parti politique d'origine, le CNDD-FDD. Deux personnes, un garçon de 16 ans et un homme de 23 ans, soupçonnés d'avoir violé deux fillettes d'un âge compris entre 18 mois et 6 ans, sont retenus au cachot du commissariat communal de police de Lumonge depuis la semaine dernière. La chronique sport de ce lundi est centrée sur le para-badminton, qui est le jeu pratiqué par les personnes en situation de handicap classées dans différentes catégories selon leur handicap, comme va nous le dire Nicolas Rikurimana, directeur technique national de la Fédération burundaise de badminton. Bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par la page politique. La sous-information sur la distinction entre le scrutin législatif et présidentiel, elle est parmi les constats sur terrain du parti FPI INESA. Ce sont les propos de Francis Rohiro, président de ce parti, lors de la conférence de presse de ce lundi. Sur le rapport d'évaluation de la campagne électorale, il ajoutait que sur terrain, ils ont eu certaines perturbations. Suivez-le. Nous avons constaté sur le terrain, ici au Burundi, que la population burundaise a tellement soif du changement. Les gens confondent pratiquement les élections présidentielles et les autres élections, législatives ou communales. Partout où nous sommes passés, les gens nous ont demandé de leur donner de l'argent, de leur construire des choses, ou même de leur faire en quelque sorte un peu de bonus pour leur vie au quotidien. Nous avons essayé partout où nous sommes passés de dire à la population quelle est la différence entre une élection législative et une élection présidentielle. Qu'un législateur venait pour deux missions, le vote des lois et à l'accompagnement de cela, le contrôle de l'action gouvernementale. Deuxièmement, nous avons constaté que dans la population burundaise, les gens sont tellement en difficulté, ils n'ont plus confiance en l'autorité, tel que le dit souvent le président de la République. La population a une insouciance macabre de l'autorité burundaise. À la base, les gens sont dans le manque de beaucoup de choses. Ils sont en direct avec une corruption grandissante de l'autorité à la base, ce qui fait que la population burundaise veut que les choses changent. À la constatation de ce qui se passe, la population burundaise en a marre de ce qui se passe. Par contre, nous avons aussi rencontré des Burundais qui ont une peur. La peur au Burundi est devenue quelque chose de réel. On se pose la question si c'est à cause du parti au pouvoir qui aurait peur de on ne sait pas quoi, mais à tous les niveaux, les gens qui recevaient nos papiers, nos fiches d'identification ou même des dépliants d'enseignement, ils les regardaient et des fois ils les remettaient par peur de se retrouver dans la rue ou à la maison avec des gens qui font des fouilles, ce qui nous a fait comprendre que la population burundaise, malgré ce désir de changement, malgré tout ce qu'ils ont envie en matière d'avancement, d'affronter les autorités à la base, d'affronter les autres partis politiques qui ne veulent pas que les choses changent. Troisièmement, les Burundais qui se sont fait inscrire, certains ont reçu leur carte pour les élections. Les autres ne les ont pas reçues, alors qu'ils ont fait leur marche pour aller les récupérer au bureau de vote, là où ils s'étaient fait inscrire. Le développement du Burundi va dépendre de la volonté des élus et les représentants des secteurs qui ne se contentent plus du passé, mais qui mettent en avant la croissance économique du pays. Propos de Dieudonné Nahimana, candidat indépendant au scrutin des législatives du 5 juin de l'année en cours. Il a dit ce lundi au cours d'un point de presse sur l'évaluation de la campagne électorale au cours duquel il s'est inscrit en faux contre ceux qui ont perturbé sa propagande à Mouvimbi et à Mouhout en province de Bujumbura et à Mugui en province de Chibitoke. On l'écoute. En général, la campagne s'est très bien déroulée. Nous avons eu la liberté de nous exprimer et de pouvoir aller dans tous les coins de la province élargie de Bujumbura pour rencontrer les Burundais et les Burundaises. Autre chose, c'était le comportement des partis politiques et aussi autres indépendants qui sont dans la compétition. On s'est rendu compte aussi qu'il n'y a pas eu vraiment des messages ou des menaces, bien qu'il n'y a pas manqué quelques irrégularités ou quelques comportements de certains individus qui avaient eu beaucoup de zèle et qui pouvaient le faire comme s'ils le faisaient au nom des partis qui les ont envoyés, mais qu'en fin de compte, on se rendait compte qu'ils le faisaient avec un excès de zèle. Par exemple, certains de nos représentants, de nos mandataires, ont été menacés dans certains coins de Bujumbura rural, de Mubimbi, à Mugui, Muhuta. Ils ont été menacés par des personnes qui leur disaient qu'ils n'avaient pas le droit d'aller faire leur campagne dans leur coin, alors qu'ils nous représentaient, qu'ils portaient nos t-shirts, qu'ils avaient tout ce qu'il faut pour montrer qu'effectivement ils nous représentent. Certains même ont exagéré jusqu'à prendre certains de nos représentants à la commune ou à la zone en leur disant qu'ils n'avaient pas le droit de faire la campagne. Heureusement, l'administration locale et aussi la police nous a aidés pour que nous puissions libérer nos mandataires le plus rapidement possible. Donc nous avons dit à tous ceux qui vont nous représenter pour pouvoir vérifier que le scrutin est en train de se dérouler comme prévu, qu'ils ne sont pas là pour se battre, ils ne sont pas là pour se lancer des mots de violence ou même un certain comportement qui n'est pas digne d'un être humain qui se respecte. En ce qui nous concerne, nos 1300 et plus mandataires qui vont nous représenter le jour du scrutin ont déjà un mot d'ordre qu'ils doivent être des pacifistes, ils doivent être des personnes qui sont non violents dans leur comportement. Nous demandons alors que des autres partis, des partis politiques et les autres indépendants puissent se comporter ainsi. Et nous espérons que personne ne va oser de perturber le processus. À son sujet, le chef de l'État burundais estime que les partis politiques de l'opposition n'ont pas de reproche envers le parti au pouvoir. Il s'exprimait sur le déroulement de la campagne électorale et comptant pour les législatives communales du 5 juin 2025. Dans les cérémonies de clôture de cette campagne organisée par son parti, le CNDD-FDD, à mairie de Bujumbura. En effet, d'après Variste Ndayishimiye, c'est le monopartisme qui est à la base du développement dans tous les pays qui se sont développés. Écoute-le, il est traduit en français par Jean Doudou Yakote. J'ai été content en écoutant les projets de sociétés d'autres formations politiques. Rien ne fait plaisir et d'entendre que tous les partis dits de l'opposition ne reprochent rien au parti de l'aigle. Acclamons ce parti. Le parti CNDD-FDD a hérité un pays affaibli dans tous les secteurs de la vie nationale. La paix semblait impossible. C'était un pays sans espoir. Avec le recouvrement de la paix, tous les Burundais en ont rentabilisé. Ces pays développés avaient un seul parti et vous savez pourquoi. Tous les citoyens se sont attelés autour des projets et visions communs et ont passé à la construction. Après la construction, chacun était libre d'entreprendre ses affaires, car tous les besoins étaient déjà satisfaits. On ne pouvait pas leur dire de construire les écoles, les hôpitaux, les routes, car ils en avaient déjà construit. C'est pour cette raison qu'il y a plusieurs partis politiques dans ce pays, car ils ont déjà achevé les grands projets. Ils veulent ainsi que nous soyons des groupuscules de partis pour que nous ne mettions jamais sur la même longueur d'onde en vue de construire notre pays. Cette campagne a prouvé qu'il est possible que tous les partis politiques peuvent agir ensemble dans la construction du pays. Dans cette même page politique et dans la série de lectures de dispositions du code électoral du 5 juin 2025, au moment où le Burundi chemine vers les élections législatives et communales, la rédaction de la radio Isanganiro revient sur certains articles de ce code au chapitre des sanctions des actes antérieurs aux opérations de vote qui sont applicables administrativement, des exemples étant comme le retrait d'une candidature par la commission électorale communale indépendante de la liste des compétiteurs aux élections ordinaires en cas d'inscription frauduleuse sur les listes électorales. Lydie Gahimbare nous fait le point. L'article 246 de ce code stipule que, en cas d'inscription frauduleuse sur la liste électorale, le candidat est sanctionné par la biffure de la liste électorale par la CECI en cas de fraude dans le dossier du candidat ou dans l'établissement des listes des candidats. Le candidat est sanctionné par le retrait par la CECI du ou des candidats de la liste des compétiteurs en cas d'élection collinaire au quartier. Il est également sanctionné par le retrait par la CEPI de la liste des candidats du parti politique ou de coalition des partis politiques ou l'indépendant en cas d'élection communale et le retrait par la CENI du ou des concernés par la liste du parti politique, de la coalition des partis politiques ou de l'indépendant en cas d'élection présidentielle et législative. L'article 247 de ce code stipule que le candidat qui s'est livré à une propagande en dehors de la durée légale a lancé des propos diffamatoires ou injurieux, a posé des affiches en dehors du règlement ou détruit des affiches et passible de sanctions administratives d'une façon suivante. Le retrait par la CECI des affiches apposées en dehors des emplacements réservés par les autorités administratives compétentes et le retrait définitif par la CEPI du droit d'affichage pour les scrutins et l'emplacement du lieu où l'acte a été commis. Et l'article 248 de ce code stipule qu'en cas où cet électeur est candidat d'un parti politique ou d'une coalition de partis politiques ou candidat indépendant, il est déchu de sa qualité de candidat par la CENI en cas d'élection de conseiller de colline ou de quartier et par la CEPI en cas d'élection de conseiller communaux et par la CENI en cas d'élection législative ou présidentielle. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro, Cap sur Rumonge pour parler justice. Deux personnes, un garçon de 16 ans et un homme de 23 ans, sont retenus au cachot du commissariat communal de police de Rumonge depuis la semaine dernière. Ils sont soupçonnés d'avoir violé deux fillettes d'un âge compris entre 18 mois et 6 ans dans la ville de Rumonge, alors que la police de Rumonge dit confectionner leur dossier à soumettre à la justice. Certains parmi les défenseurs des droits des enfants de Rumonge appellent les plaignants à se présenter chargés, les retenus pour l'avancement de tel dossier. Le détail avec Jean-Pierre Misago. Un homme de 23 ans a été arrêté le 29 mai dernier, soupçonné d'avoir violé dans sa boutique dans la ville de Rumonge une fillette de 6 ans du voisinage selon les proches de la survivante. Dans un autre quartier de la ville de Rumonge, c'est un garçon de 16 ans prestant comme domestique arrêté le soir du 31 mai dernier, accusé d'avoir violé une fillette d'un an et demi de la famille où il y prestait, selon des sources sur place. La police de Rumonge confirme la rétention de ces deux personnes et qu'elle était même au point de clôturer ces dossiers ce lundi pour saisir le parquet de Rumonge. Selon certains défenseurs des droits des enfants à Rumonge qui se sont exprimés, porter plainte dans de telles circonstances ne suffit pas. Il faut, selon eux, se présenter, charger l'accusé. Ils appellent pour cela les plaignants à venir témoigner en charge de l'accusé et demandent à la justice de nous dire que le droit. Cela fait une semaine qu'un procès similaire avait été fixé en flagrance au tribunal de grande instance de Rumonge, mais a dû être classé dans des procès ordinaires à cause de l'absence à la barre des témoins à charge contre l'accusé. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago pour cette correspondance de Rumonge Cap sur Bubanza pour parler agriculture. Les cultivateurs de la province de Bubanza apprécient positivement la mesure du ministère ayant en charge l'agriculture dans ses attributions de prolonger la durée de paiement d'avance pour l'engrais subventionné de la saison culturelle C. Il déplore cependant le fait que certains cultivateurs n'ont pas reçu les fertilisants des saisons culturelles A et B alors qu'ils ont payé le montant exigé. Les responsables agricoles et les distributeurs reconnaissent que l'engrais de type urée est arrivé en très petite quantité par rapport aux demandeurs. Et les jetons qui allaient perdre la validité au cours de ce mois de juin sont en train d'être remis. Le cultivateur sera informé lorsque ces engrais seront disponibles selon la même source. Les détails avec Space Caritas Cavagnan. Dans un communiqué signé ce lundi par le ministre ayant en charge l'agriculture dans ses attributions, Prosper Dodico précise que la période de paiement d'avance pour l'engrais chimique subventionné de la saison culturelle C, qui avait commencé le 19 mai pour se terminer le 31 mai, est prolongée jusqu'au 13 juin courant, comme c'est mentionné dans ce communiqué. Il demande aux responsables administratifs et agricoles la sensibilisation pour que tous les cultivateurs respectent ce délai de 2 semaines et celui qui n'aura pas payé l'avance sera obligé de se diriger vers l'usine de fabrication d'engrais FOMI pour acheter son produit à 100% selon le même communiqué. Les cultivateurs contactés sont contents de ce prolongement de la période de paiement d'avance, mais ils disent ne pas comprendre comment ils continuent à payer l'avance pour un produit qui n'est pas disponible. Certains disent même qu'ils ont encore des jetons de la saison culturelle A et B et n'ont pas eu d'engrais de type urée alors qu'ils ont payé. Les responsables agricoles et les distributeurs d'engrais contactés expliquent que l'engrais de type urée était en très petite quantité par rapport à la demande. Ils ont commencé à collecter ces jetons qui allaient perdre validité les uns le 5 de ce mois, les autres le 10 de ce mois de juin. Et les propriétaires enregistrés seront appelés lorsque ce produit sera disponible, comme ils le disent. Spécialitas Kavanyana Bouvanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le para-badminton est le jeu pratiqué par les personnes en situation de handicap classées dans différentes catégories selon leur handicap, comme l'explique le directeur technique national de la Fédération burundaise de badminton. Nicolas Bikorimana fait savoir qu'il faut 2 sets pour gagner le match de para-badminton. Chronique sportive de ce lundi avec Jean-Marie Vianney Nguenakoumane. Dans ce sport de parabadminton pratiqué par les personnes en situation de handicap, lors des compétitions, on regroupe les parabadistes dans 6 catégories en respectant le règlement approprié de ce sport. Explication de Nicolas Bikorimana, directeur technique national au sein de la Fédération burundaise de badminton. Pour ceux qui ne savent pas, le jeu de parabadminton, c'est un jeu qui est joué par les personnes avec handicap. Ces personnes avec handicap sont regroupées en catégories et chaque catégorie a un règlement qui est approprié pour que on puisse faciliter cet handicap et pour que on puisse jouer. Le directeur technique national de la Fédération burundaise de badminton ajoute qu'on regarde les membres qui ont des difficultés pour classer ces joueurs dans ces catégories. Les critères pour classer ces catégories, on regarde le membre qui a des difficultés. Par exemple, on peut rencontrer des personnes ayant handicap au niveau des membres inférieurs, ou bien on peut rencontrer des membres ayant handicap des membres supérieurs. Ou bien on peut rencontrer des personnes de petite taille, communément appelées ibikuri, c'est une catégorie. On peut également rencontrer des personnes qui n'ont pas de jambes, mais qui peuvent utiliser des fauteuils roulants. Ces personnes aussi sont catégorisées en 2. Il y en a qui ont un problème du bassin. Là, ils ont des fauteuils un peu adaptés par rapport à ces autres qui ont été amputés par les jambes mais qui n'ont pas de problème de bassin. Selon Nicolas Bikorimana, le terrain de para-badminton est semblable à celui de badminton classique, tout en précisant que la différence se trouve au niveau du règlement. Les parabadistes jouent sur le même terrain que le terrain de badminton, c'est-à-dire une longueur de 13,4 mètres et 6,1 mètres. Mais au niveau du règlement, la catégorie par exemple qui joue avec les fauteuils, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer sur tout le terrain, on joue sur la moitié du terrain. Tandis que celui qui a toutes les jambes, mais qui a un bras qui a été amputé ou bien qui a un handicap et qui est paralysé, celui-là, il joue sur tout le terrain parce que il a la mobilité pour se déplacer. Le manque de matériel approprié au sport de para-badminton, tel est le défi majeur auquel fait face la Fédération burundaise de badminton. Le défi que nous avons pour les parabadistes, c'est le fait de ne pas avoir, je dirais, ces fauteuils parce que ça coûte énormément cher. Aussi, il y a des prothèses qui sont adaptées pour faire le sport. Là aussi, il y en a qui peuvent jouer avec des béquilles que nous avons ne sont pas adaptées parce que ce soit les béquilles ou les prothèses que nous avons ici, je dirais, qui ont un poids lourd, qui ne permettent pas la mobilité de ces personnes avec un handicap pour mieux jouer. Le jeu de para-badminton est pratiqué au Burundi depuis 2019 et le Burundi a participé pour la première fois dans les compétitions africaines qui se sont déroulées en Ouganda en 2022. Et côté filles, le Burundi a décroché la deuxième et la troisième place dans ces compétitions. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougiman pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Ndikoumanaga. Bonne soirée à tous et à tous.